Dans l'Afrique traditionnelle, la démocratie a existé. C'est le droit de parler. C'est le droit de s'exprimer. Et à un moment donné, le droit d'écrire. Mais la démocratie a toujours accepté que lors d'une réunion de famille, que les membres de la famille, chaque membre de la famille s'exprime de l'homme à la femme, du jeune au vieux. Et que lorsque on estime que les débats sont épuisés, que c'est en ce moment que le chef de famille tire la conclusion. Donc il sait à peu près de quoi il s'agit. Donc chaque fois que le chef de famille a tiré la conclusion, c'est que la balance pèse en faveur de la majorité. Donc notre démocratie se jouait sous l'arbre à palabres. Mais si on compare maintenant cette forme de démocratie avec la démocratie occidentale, on risque de perdre pied. En juillet 1990, l'ancien secrétaire général de l'OUA, le Togolais Edem Kodjo, analyse en expert les motivations de ses expériences récentes.